La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Autant qu'un grand écrivain, Chateaubriand a été un grand homme, faisant de sa vie entière une œuvre qui comprend la gloire, l'aventure et la politique. On est bien avec lui dans ce 19e siècle français qui date peut-être un peu aujourd'hui, alors que la figure du grand écrivain total tend justement à disparaître. Ce qui nous touche aujourd'hui chez Chateaubriand, c'est peut-être moins les grands moments de sa vie que les petits mouvements de son cœur qu'il raconte à merveille dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Sa vie, toute spectaculaire qu'elle fut, Bernard Degout nous l'a raconté lundi et nous parlerons d'un Chateaubriand politique demain avec Jean-Marie Roulin qui nous expliquera aussi la conception que l'écrivain se faisait de sa manière, de la manière d'écrire et de raconter l'histoire. Et puis jeudi, c'est d'un Chateaubriand voyageur, presque ethnologue dont il sera question. Nous serons pour ce faire en compagnie de Sébastien Baudouin. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de l'œuvre de fiction de Chateaubriand ainsi que de ses mémoires d'outre-tombe, nous sommes avec Fabienne Bercegol, professeure à l'Université Toulouse Jean Jaurès, autrice du livre Chateaubriand, une poétique de la tentation chez Classique Garnier, mais également de La poétique de Chateaubriand, le portrait dans les mémoires d'outre-tombe chez Honoré Champion. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres. Je fus tiré de mes réflexions par le gazouillement d'une grive perchée sur la haute branche d'un bouleau. À l'instant, ce son magique fut reparaître à mes yeux le domaine paternel. J'oubliai les catastrophes dont je venais d'être le témoin, et transporté subitement dans le passé, je revis ces campagnes où j'entendis si souvent siffler la grive. Quand je l'écoutais alors, j'étais triste de même qu'aujourd'hui. Mais cette première tristesse était celle qui naît d'un désir vague de bonheur lorsqu'on est sans expérience. La tristesse que j'éprouve actuellement vient de la connaissance des choses appréciées et jugées. Le chant de l'oiseau dans les bois de Combourg m'entretenait d'une félicité que je croyais atteindre. Le même chant dans le parc de Montboissier me rappelait les jours perdus à la poursuite de cette félicité insaisissable. Je n'ai plus rien à apprendre. J'ai marché plus vite qu'un autre et j'ai fait le tour de la vie. Un extrait des Mémoires d'Outre-Tombe lu par Guillaume Gallienne. Bonjour Fabienne Bercegol. Bonjour. Merci d'être avec nous. On dirait presque du Proust, vous ne trouvez pas cet extrait avec le chant de cette grive qui fait à Chateaubriand un peu l'effet d'une madeleine qui lui rappelle le temps perdu? Est-ce qu'on peut faire cette analogie, même si évidemment Chateaubriand est bien antérieur à Proust? Oui, bien sûr, l'analogie est tout à fait fondée et du reste, Proust se référera volontiers à ce texte qui est l'un de ses modèles, précisément lorsque il a en tête des expériences de réminiscence, puisque ce qui nous est conté ici, c'est bien une expérience de réminiscence. Ce qui se met en jeu, c'est la mémoire affective, une mémoire involontaire, une mémoire déclenchée par une sensation fort ténue d'ailleurs, ce qui est quasi miraculeux, c'est qu'il suffit du chant d'une grive pour que tout à coup, ce soit tout Combourg qui revienne à la mémoire de Chateaubriand. Donc, bien sûr, l'expérience de la Madeleine, l'expérience de la grive relève exactement du même genre de miracle, oui, dû à la sensation. Combourg, Combray, finalement, c'est et très assez proche. Là aussi, ça n'est pas le hasard. Ça n'est pas le hasard, vous croyez, que Proust s'est inspiré du château de Combourg, le château de Chateaubriand? Proust était un lecteur très, très fidèle de Chateaubriand. C'est plutôt le temps ou c'est plutôt la mémoire, selon vous, qui intéresse Chateaubriand? Les deux. Chateaubriand est un grand écrivain de la mémoire. Hein. Il attirera lui-même l'attention dans les Mémoires d'Outre-Tombe, précisément sur ce cas de très précieux, la mémoire. Il remarque qu'on en fait souvent peu de cas, on s'en moque volontiers de la mémoire, alors que, après tout, s'il n'y avait pas de mémoire, nous n'aurions pas la sensation de l'existence, hein, puisqu'il nous faut cette mémoire pour faire le lien entre notre passé et notre présent, pour avoir le sentiment de cette continuité. Donc sans cette mémoire, finalement, gage d'unité fragile, nous ne serions rien. Hein. Donc la mémoire est absolument constitutive du sujet. Et évidemment, la sensibilité au temps est omniprésente chez Chateaubriand. C'est très moderne, déjà, du coup. Ah oui, tout à fait. Mais déjà, dans l'extrait donc, que vous venez de lire, hein, il y a ce retour du passé et immédiatement la sensibilité très vive au temps qui passe et le sentiment d'une urgence. Hein, parce qu'on ne connaît pas le moment de la fin. Le texte, l'extrait se termine ainsi. Hein. Il est urgent de reprendre la plume et de continuer à écrire. Alors on va revenir sur les mémoires d'Outre-Tombe dans une seconde partie de cette émission, Fabienne Bercegol, mais il ne faudrait pas oublier quand même qu'il y a d'autres récits de Chateaubriand qui sont tout aussi importants, ou pas d'ailleurs, c'est vous qui allez nous le dire, mais qui étaient, à l'époque où ils sont parus, tout aussi important, voire plus important, pour Chateaubriand et ses contemporains. Je pense évidemment à ses récits Atala et René. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui, selon vous, un certain discrédit autour de ces textes-là ? Alors c'est vrai que c'est très curieux, ce sont des fictions qui ont été oubliées, négligées à partir du 20e siècle, 21e siècle, on verra. Alors que au XIXe siècle, on y reviendra sans doute, on a boudé les mémoires d'Outre-Tombe, on ne les a pas vraiment compris. Et au contraire, ce sont à ces deux premières fictions que Chateaubriand a dû sa réputation d'enchanteur. Mais à quel moment se fait le retournement, le passage finalement de l'un à l'autre ? Jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est quand même Atala et René qui l'emportent, donc ce qui fait la réputation de Chateaubriand en France, mais aussi à l'étranger. On est même surpris quand on regarde ce qui a fait le rayonnement international de Chateaubriand. On est surpris de constater que, alors là, pour le coup, encore souvent au XXe siècle, Chateaubriand est connu d'abord pour ses premières fictions. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait le passage, justement, le retournement ? Alors, je pense qu'au XIXe siècle, c'est évident, les Mémoires d'Outre-Tombe ont beaucoup souffert de la façon dont ils ont été publiés, c'est-à-dire sous forme d'abord de feuilletons. Chateaubriand ne les avait absolument pas prévus pour cela, et donc les premiers lecteurs n'avaient pas vraiment les moyens de comprendre, notamment l'architecture de ce texte. Donc il y a vraiment eu ce problème lié à la première publication des mémoires. Et puis, je pense que nous sommes revenus maintenant aux mémoires d'Outre-Tombe parce que, entre-temps, le genre de l'autobiographie a connu un succès considérable, qu'il n'avait pas forcément, en tout cas un succès qui était davantage balbutiant au XIXe siècle. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux textes ? On aurait pu en citer un troisième, il y a un roman andalou qui s'appelle Les aventures du dernier Abencerrage. Oui. Bon, c'est peut-être encore autre chose, on va se contenter de parler de Atala et de René, parce que c'est deux textes qui sont liés par, disons, une même thématique. Oui, alors qui sont liés effectivement à plusieurs égards, liés déjà ne serait-ce que par leur construction narrative, puisque ce sont deux récits rétrospectifs. Dans Atala, il y a un personnage, Chactas, qui va raconter, qui est un Indien donc, puisque ça se passe en Amérique, qui va raconter ses anciennes amours avec Atala, jeune Indienne. Et qui s'avère être en réalité une jeune fille chrétienne. Oui, qui est une jeune fille chrétienne. Alors l'histoire est un peu compliquée, mais Atala, en fait, va se révéler être la fille biologique du colon qui a recueilli Chactas. Vous voyez, il y a aussi ce lien. Bon, mais le lien qui unit les deux récits, c'est que si vous prenez René, Chactas en fait est toujours là, mais cette fois-ci en tant qu'auditeur de René. Donc, vous voyez, on a c'est un peu la deux suite, récits alors, en miroir. René voilà. Et la suite d'Atala. Voilà, voilà. Hein. Et puis, ce sont deux textes qui sont liés par leur histoire éditoriale, hein, composée de façon dans des années très proches. Hein. Et d'abord épisode d'une vaste saga américaine que Chateaubriand écrit dans les années 1790, et ensuite épisode du génie du christianisme. Et alors, ce qui est important, c'est que ces textes sont des illustrations de la théorie qu'il développe dans le génie du christianisme. Alors, en tout cas, à partir du moment où Chateaubriand, effectivement, choisit de les insérer dans le génie du christianisme. Hein, mais j'y faisais allusion à l'instant. Ce sont des textes dont l'interprétation est rendue difficile, notamment par le fait qu'ils n'ont pas été immédiatement écrits dans cette optique. Hein. Au départ, il s'insère dans une vaste épopée américaine qui a peu de choses à voir avec une intention apologétique. Hein. Et puis, au moment où Chateaubriand donc, revient d'exil et décide de revenir vers la religion chrétienne, au moment donc, où il se lance dans la rédaction du génie du christianisme, il comprend que pour séduire le lecteur, rien ne vaut tout de même quelques épisodes fictionnels, et donc c'est à ce moment-là qu'il va récupérer, si je puis dire, Atala et René pour les insérer dans la trame du génie du christianisme. Dans le cas d'Atala, il s'agit d'illustrer les harmonies de la religion chrétienne avec les scènes de la nature et les passions humaines. Et dans le cas de René, il s'agit d'illustrer hein, le fameux chapitre intitulé « Vague des passions ». Alors c'est peut-être René finalement qui va avoir un impact le plus fort sur le public de l'époque, Fabienne Bersegol, ou est-ce que les deux sont de très grands succès ? Les deux sont de très grands succès, pour des raisons peut-être différentes. C'est vraiment le Atala hein, qui est publié en 1801, qui lance Chateaubriand durablement sur le devant de la scène littéraire, et j'y reviens, qu'il impose véritablement par son écriture. Hein. Chateaubriand le dit, c'est vraiment un texte qui a fait l'effet d'une révolution en littérature. Stylistique alors. Stylistique, tout à fait. Parce que, bien sûr, avant, il y avait eu Rousseau, il y avait eu Bernardin de Saint-Pierre, donc il y avait eu des exemples de prose poétique. Mais enfin, c'est quand même la première fois que l'on allait aussi loin dans une prose aussi sensuelle. Alors cette prose, écoutons-la avec cet extrait lu par Christian Delmas de René. Souvent j'ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui volaient au-dessus de ma tête. Je me figurais les bords ignorés, les climats lointains où ils se rendent. J'aurais voulu être sur leurs ailes. Un secret instinct me tourmentait, je sentais que j'étais moi-même un voyageur. Mais une voix du ciel semblait me dire: homme, la saison de ta migration n'est pas encore venue. Attends que le vent de la mort se lève. Alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues que ton cœur demande. Levez-vous vite, orage désiré, qui devez emporter René dans les espaces d'une autre vie. Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie ni frimas. Enchanté, tourmenté et comme possédé par le démon de mon cœur. La La Compagnie des œuvres sur France Culture. Qu'est-ce que vous entendez dans cet extrait, Fabienne Bercegol? C'est le portrait type du mélancolique. C'est, comme le dira Baudelaire, un Chateaubriand créateur de la grande école de la mélancolie. Là, c'est vraiment le portrait de René tel qu'il va marquer des générations et des générations de lecteurs. Le type donc du personnage mélancolique, en proie à des tourments intérieurs, agité, incapable de trouver jamais la moindre satisfaction ici-bas. Parce qu'il est quand même question dans ce texte de la voix du ciel, donc cette mélancolie qui est ici décrite, qui est ici analysée. Elle a aussi une couleur spirituelle. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est que les lecteurs, et ils sont très nombreux de René à l'époque, parmi eux, beaucoup vont se dire « mais René, c'est moi finalement ». Et donc René, ça devient un type littéraire. Oui. Qui correspond à une personnalité qui émerge au 19e, qui existait sans doute avant, mais qui n'était pas formalisée de la même manière. C'est ce que l'on va appeler le mal du siècle. Il va incarner le mal du siècle, et effectivement, je crois que vous auriez du mal à trouver un seul écrivain ou une seule écrivaine qui ne puisse pas s'identifier à ce personnage. Ils ont tous eu l'impression que Chateaubriand avait mis des mots sur l'ennui qui les minait. Et ces mots, c'est la confrontation finalement du désir d'infini que les êtres ressentent avec une existence bornée. Absolument. C'est ça finalement le cœur du personnage de René. Et c'est ça que Chateaubriand montre à travers ses livres. Est-ce qu'il réfléchit sur ces concepts-là ou est-ce qu'il les livre finalement seulement en écrivain? Est-ce qu'il donne finalement des solutions qui pourraient être par exemple la religion pour soigner le mal du siècle? Alors, effectivement, cela pourrait être une solution. D'une certaine manière, c'est une solution qui est indiquée par celui qui reste peut-être le plus grand modèle de Chateaubriand, à savoir Saint-Augustin. René est un nouvel Augustin. La spiritualité de Chateaubriand est une spiritualité d'inspiration augustinienne. Donc, si l'on prend le personnage d'Augustin, effectivement, la religion est ce qui permet de sortir de cette expérience de l'insatisfaction, et notamment de l'insatisfaction des amours terrestres. Sauf que René est un nouvel Augustin, mais qui est conduit, si vous voulez, jusqu'au seuil de la conversion, jusqu'au moment où il pourrait trouver enfin le bonheur en Dieu, mais Chateaubriand le retient sur ce seuil et fait plutôt de lui un personnage de réprouvé. René, si vous lisez bien le texte, est un personnage extrêmement sombre. Donc il y a quelque chose de très désenchanté dans le Chateaubriand de cette époque-là. Très désenchanté, très pessimiste. On pourrait presque dire, je crois que ce n'est pas tellement exagéré, que Chateaubriand a une approche très nihiliste, finalement, de la religion. René est tenté par la religion, mais ce qui l'attire, par exemple, dans les abbayes, alors de préférence en ruine. Chateaubriand adore l'architecture, par exemple. Oui, mais en ruine plutôt. Voilà, ce qui l'attire dans ces lieux-là, c'est l'expérience de la solitude, c'est l'expérience de la mort. Donc, vous voyez, il n'y va pas du tout porté par un élan d'espérance avec un grand E. C'est toujours un rapport extrêmement désespéré à la religion et finalement l'expérience, c'est raconté dans René, qu'il a beau fréquenter, il a beau fréquenter les églises, contrairement aux autres fidèles, lui ne connaît pas l'efficace de la prière. Il est incapable, au fond, si l'on revient au prénom, tout à fait capital, il est incapable de renaître, de devenir un nouvel homme. Donc ce qui est d'autant plus terrible que René, c'est François René, c'est son homonyme et c'est aussi presque une autobiographie. René raconte à Chatecasse, d'abord au début du récit, le rapport avec sa sœur, qui est un rapport d'ailleurs presque incestueux. Je pense que vous pouvez nous en dire aussi quelques mots, Fabienne Bercegol. Donc ça ressemble beaucoup quand même à l'histoire de Chateaubriand lui-même. Donc deux questions, l'autobiographie, puis après on viendra à l'inceste. Oui, oui, peut-être, autobiographie voilée. Effectivement, la relation de Chateaubriand avec Lucile a fait couler beaucoup d'encre. Reconnaissons néanmoins qu'il a peu dit, peu avoué, en tout cas dans les mémoires d'outre-tombe, mais c'est vrai que notamment les lecteurs du XIXe siècle avaient quand même cela en tête, hein, ce fond autobiographique. En même temps, je crois qu'il faut garder en tête aussi que les amours incestueuses sont à la mode dans la littérature du XIXe siècle. Hein, donc, il aurait cédé à un effet de mode. Oh, ben, Chateaubriand sait très bien faire la publicité de ses œuvres. Hein, c'est quelqu'un qui a le sens de la promotion. Et donc, il ne pouvait pas l'ignorer. Hein. Alors, c'est vrai, donc, il y a ce drame de l'inceste raconté dans René. Alors, René n'en dit rien lui-même, hein. C'est un personnage qui s'enferme dans une attitude de déni, peut-être de mauvaise foi. Hein. Par contre, dans le récit de René, nous trouvons une lettre de sa sœur, hein, une lettre d'Amélie, donc, qui permet de comprendre qu'elle, en tout cas, a été profondément attirée par son frère. Et là, on rejoint un thème qui vous intéresse particulièrement, Fabienne Bersegol, puisque vous avez écrit un essai qui s'intitule « Chateaubriand, une poétique de la tentation ». C'est là la tentation pour Chateaubriand, c'est la tentation du péché de chair, et du péché de chair encore pire avec sa sœur. Ah oui. Oui, d'une certaine manière, René est une figure de tentateur. Je parlais tout à l'heure du réprouvé, du maudit. Il y a cette dimension satanique chez lui. Alors c'est vrai que j'ai privilégié ce terme de tentation parce que je voulais un terme précisément qui ait une connotation religieuse. Et effectivement, dans ces histoires que raconte Chateaubriand, ces histoires d'amour impossible, il s'arrange toujours pour que l'épreuve de l'amour interdit, de l'amour impossible, soit vécue comme une tentation, c'est-à-dire fasse courir le risque du péché et au-delà mette sur le chemin du salut ou de la perdition. Donc la tentation, il y a vraiment est cet liée enjeu-là avec la religion. Il s'agit d'être mis à l'épreuve pour en sortir grandi. Ou pas. Dans certains cas, il y aura effectivement cette possibilité de vivre la passion comme une force d'élévation morale et spirituelle. Dans d'autres cas, et c'est plutôt le cas de René, là, on est plutôt du côté du péché. Surtout, ce qui intéresse Chateaubriand, c'est de pouvoir décrire un personnage coupable. Un personnage torturé par le remords. C'est cela aussi, René, ces tourments intérieurs qui ne cessent de le miner, c'est bien évidemment un sentiment de culpabilité. Donc le plaisir pour Chateaubriand, qui a été couvert de femmes toute sa vie, ça correspond à quoi? C'est forcément quelque chose qui relève du péché? Alors, Chateaubriand, dans ses fictions, dans Atala par exemple, il y a tout à fait la reconnaissance de ce cas, au fond de sans pareil, le plaisir donné par l'amour. C'est, encore une fois, ce sont des textes très sensuels où le désir est dit. Il est même relayé par les paysages que décrit Chateaubriand et qui sont eux-mêmes, absolument, le style lui-même est sensuel, s'adresse à l'émotion du lecteur. Pauline de Beaumont, qui était une des maîtresses de Chateaubriand, disait qu'il jouait du clavecin sur toutes ses fibres. Vous voyez, pour figurer ce retentissement émotionnel, physique, intense que lui procurait la lecture de Chateaubriand. Donc Chateaubriand ne gomme pas du tout ce plaisir, cette sensualité, etc. Mais précisément, ce qui l'intéresse, c'est le conflit, du coup, d'exigence avec la religion. Est-ce qu'on retrouve cette thématique aussi dans les mémoires d'outre-tombe? Moins, ne serait-ce que parce que Chateaubriand se garde bien d'y raconter ses propres amours. Je vous propose d'en écouter un extrait de la préface. Paris, le 14 avril 1846. Comme il m'est impossible de prévoir le moment de ma fin, comme à mon âge les jours accordés à l'homme ne sont que des jours de grâce ou plutôt de rigueur, je vais m'expliquer. Le 4 septembre prochain, j'aurai atteint ma 78e année. Il est bien temps que je quitte un monde qui me quitte et que je ne regrette pas. Les mémoires, à la tête desquelles on lira cet avant-propos, suivent dans leur division les divisions naturelles de mes carrières. La triste nécessité qui m'a toujours tenu le pied sur la gorge m'a forcé de les vendre. Personne ne peut savoir ce que j'ai souffert d'avoir été obligé d'hypothéquer ma tombe, mais je devais ce dernier sacrifice à mes serments et à l'unité de ma conduite. Ces mémoires ont été composées à différentes dates et en différents pays. De là, des prologues obligés qui peignent les lieux que j'avais sous les yeux, les sentiments qui m'occupaient au moment où se renoue le fil de ma narration. Les formes changeantes de ma vie sont ainsi entrées les unes dans les autres. Il m'est arrivé que dans mes instants de prospérité, j'ai eu à parler de mes temps de misère, dans mes jours de tribulation à retracer mes jours de bonheur. Ma jeunesse pénétrant dans ma vieillesse, la gravité de mes années d'expérience attristant mes années légères, les rayons de mon soleil depuis son aurore jusqu'à son couchant, se croisant et se confondant, ont produit dans mes récits une sorte de confusion, ou, si l'on veut, une sorte d'unité indéfinissable. J'ignore si ce mélange auquel je ne puis apporter remède plaira ou déplaira. Il est le fruit des inconstances de mon sort. Les tempêtes ne m'ont laissé souvent de table pour écrire que l'écueil de mon naufrage. La Compagnie des œuvres avec cet extrait lu par Guillaume Gallienne de la préface à ses mémoires d'outre-tombe rédigées 2 ans avant sa mort. Cette préface, c'est un autre homme qui écrit ce texte 2 ans avant de mourir que celui qui a écrit dans sa jeunesse Atala et René, ou finalement c'est le même, mais c'est simplement qui a parcouru toute une vie, mais qui au fond n'a pas tellement changé. Quel est votre sentiment, Fabienne Bersegol? Je ne suis pas sûre qu'il ait profondément changé. D'ailleurs, lui-même, évoquant l'unité, ce qu'il appelle l'unité indéfinissable de son récit, met justement en avant cette continuité en dépit de la diversité de ses expériences, en dépit du fait qu'il se trouve, par exemple, qu'il va raconter des jours de misère à un moment où il est plutôt prospère, etc. Vous voyez, il y a chez Chateaubriand la conscience aiguë de ce que notre vie, bien sûr, a de discontinu, a d'erratique, mais en même temps, il y a des traits de caractère, un fond de personnalité qui ne s'efface pas. Et notamment, l'espoir est peut-être de plus en plus faible au fur et à mesure de sa vie. Oui, bien sûr, mais vous voyez, pour reprendre un thème que nous avons déjà évoqué, Chateaubriand, jusqu'au bout, il le déplore parfois, reste un homme de désir. Un homme et continue à écrire, qui d'ailleurs. Veut séduire et qui est ravi d'être toujours séduit. Alors parfois, je disais, il le déplore parce que il semble bien qu'il y a un certain hiatus entre la vieillesse et puis ce désir qu'il continue d'éprouver en lui. Alors est-ce que c'est le chef-d'œuvre tout de même, Les Mémoires d'Outre-Tombe, pour vous, Fabienne Bersegol? C'est difficile de répondre parce que je crois qu'au fond, je n'ai pas envie de classer les œuvres, de faire la distinction entre ce qui serait des œuvres de jeunesse, des œuvres donc mineures, et puis le grand œuvre que seraient les Mémoires d'Outre-Tombe. Mais c'est incontestablement une œuvre monumentale. Ne serait-ce que par la taille. Ah, ne serait-ce que par la taille et que... Pour ma part, je ne cesse d'admirer, oui, ça c'est sûr. 5000 pages tout de même dans l'édition Quarto de Jean-Paul Clément chez Gallimard. Alors comment commence-t-il à les écrire? C'est en 1830, je crois. Il devait avoir l'idée avant, mais enfin, c'est en 1830 qu'il commence à rédiger réellement. Bien avant. En fait, les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est vraiment l'œuvre de toute une vie. Hein. Je dirais presque que l'histoire des Mémoires d'Outre-Tombe vaut un roman. Hein. Il commence à avoir l'idée d'écrire des mémoires relativement tôt. C'est dans les années 1800. Je dis relativement tôt parce qu'en général, ceux qui ont le projet d'écrire leur vie viennent plutôt à ce projet lorsqu'ils ont 50 ans ou lorsqu'ils s'approchent de la vieillesse. En 1800, ça n'est absolument pas le cas pour Chateaubriand. Mais à ce moment-là, il est à Rome. Ville parsemée de ruines qui invite à la méditation sur le temps qui passe. Il vient de perdre Pauline de Beaumont, hein, et c'est donc dans ces circonstances... Dans ses bras, en plus. Oui, voilà, hein, une très magnifique page dans les Mémoires d'Outre-Tombe où il raconte vraiment les ultimes moments de Pauline de Beaumont. Hein. Donc c'est dans ce contexte de deuil bien particulier qu'il va, la première fois, avoir l'idée d'écrire ses mémoires. Hein. Dans les années 1810, retiré à la Vallée au Loup, il va commencer à rédiger, en gros, les livres sur l'enfance. Donc il l'écrit chronologiquement ? En tout cas, il commence, dans les années 1810, lorsqu'il se met vraiment à écrire, il s'aperçoit, parce que ça n'était pas évident pour lui en 1800, il s'aperçoit qu'à partir du moment où il veut tenter de se comprendre, tenter de savoir qui il est, il ne peut pas faire l'impasse sur son enfance. Parce que, il le sait avant Freud, d'une certaine manière... C'est la psychanalyse avant la lettre. Voilà. C'est, au fond, l'enfant qui permet de comprendre ce qu'est devenu l'homme. Il le dira dans une phrase célèbre, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, « C'est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis ». Donc, dans les années 1810, il commence par ce que, d'abord, il n'avait pas pensé raconter, c'est-à-dire son enfance. Et fort heureusement, de cette première version, de ce qui s'appelle, attention encore à ce moment-là, les mémoires de ma vie. Mmh. De cette première version, fort heureusement, nous en avons gardé la trace parce que Madame Récamier en a fait une copie. En a fait faire une copie dans les années 1820. Après avoir s'être occupé de la publication de ses œuvres complètes dans les années 1830, à un moment, c'est important, où d'une certaine manière il n'a plus rien à faire parce que sa carrière politique est terminée. Où il n'a plus d'argent d'ailleurs non plus. Et où il n'a plus d'argent, c'est à ce moment-là que effectivement il va véritablement se remettre à l'écriture des mémoires. Mais, et c'est absolument capital, le projet a totalement changé d'orientation. Il y a à la fois refonte et amplification du projet, parce que au début, Chateaubriand pensait écrire véritablement un récit autobiographique, un récit centré sur l'histoire de sa vie. Mmh. Au début, autrement dit, il distinguait entre le récit de sa propre vie et l'histoire avec un grand H. Et puis, à partir des années 1830, il se rend compte qu'il lui est absolument impossible de se raconter, de se comprendre en faisant l'impasse sur l'histoire de la France. Parce qu'il a traversé tellement d'histoire justement absolument, de la France. Il se rend compte que, au fond, raconter sa vie revient à raconter l'histoire de toute sa génération. Chateaubriand s'est toujours mis en scène et la vie de Chateaubriand est en grande partie conditionnée par son écriture. Si vous voulez, lorsque Chateaubriand écrit les Mémoires d'Outre-Tombe, on sait bien qu'il déforme très souvent un certain nombre de ses souvenirs. Chateaubriand rêve sa vie après coup. Et on l'a beaucoup critiqué à cause de cela. Un certain nombre d'historiens déclarent que Chateaubriand est un faussaire, un menteur, etc. Et s'efforce de montrer que tel jour, Chateaubriand n'était pas à l'endroit où il l'a dit. Chateaubriand a rêvé son existence a posteriori, mais s'il l'a si bien rêvé a posteriori, c'est aussi parce qu'il l'avait rêvé a priori. Chateaubriand est lui-même un héros romanesque. Il s'efforce d'avoir une existence conforme à un certain idéal littéraire qu'il invente progressivement. Il se trouve que la réalité, de temps en temps, concorde avec son rêve, c'est-à-dire que Chateaubriand réussit à jouer à peu près le personnage qu'il voulait jouer, il arrive d'autres fois que la réalité soit une assistante assez peu fidèle, que la réalité n'arrive pas à faire jouer à Chateaubriand exactement le rôle qu'il aurait voulu. Et ainsi, lorsque Chateaubriand rétrospectivement raconte ce qu'il a fait, eh bien c'est quelque chose qui est à mi-chemin entre ce qu'il a fait effectivement et ce qu'il avait voulu faire. Une archive de l'écrivain Michel Butor dans la compagnie des œuvres. Vous l'aviez reconnu, Fabienne Bersegol. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'au fond, les mémoires d'outre-tombe, c'est l'existence de Chateaubriand, certes, mais tel qu'il l'a rêvé tout autant que tel qu'il l'a vécu? Oui, probablement, mais en même temps, je dirais que ça correspond très exactement à ce qui était son projet, encore une fois, à partir des années 1830. Hein. Oui, il rêve cette existence, il la déforme en même temps, ça, il faut reconnaître que très tôt, il a prévenu qu'il n'avait pas du tout l'intention de tout dire. Hein, contrairement à ce qu'avait fait Rousseau, hein, qui est pour lui un repoussoir. Il cherche à dépasser Rousseau, mais Rousseau reste la grande référence, justement. Oui, mais il y a certaines choses, ce qu'il appelle des faiblesses, qu'il ne veut pas dire, parce que n'oublions pas que Chateaubriand est un aristocrate, c'est un écrivain aristocrate, qui a un certain sens de la dignité, de la décence, de la grandeur, et donc, voilà, il y a certaines choses qui doivent rester sous le voile et qui, au fond, ne sont peut-être pas les plus importantes. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que Chateaubriand déforme, à coup sûr, il ne dit pas tout, mais parce que à partir des années 1830, ce qui est sans doute le plus important pour lui, c'est que ce récit de vie ne soit pas justement qu'un récit de vie, mais, pour lui reprendre ses propres mots, soit aussi une épopée. Mmh. Hein. Il dit qu'il veut, dans la préface testamentaire hein, qu'il rédige dans les années 1830, il explique qu'il veut, à travers sa propre personne, raconter l'épopée de son temps. Alors, c'est un voyage à travers l'histoire. C'est un voyage à travers l'histoire, et si vous voulez, dans ce cadre-là, l'exactitude factuelle n'est pas ce qui lui importe le plus. Hein. Ce qui devient le plus important, c'est l'épaisseur symbolique que prend son personnage. Hein, le fait que désormais il se campe en porte-parole de sa génération. Alors certes, ça peut être jugé très orgueilleux, hein, mais encore une fois, Chateaubriand a conscience du fait qu'il peut livrer un témoignage important, hein, et d'ailleurs les historiens maintenant se réfèrent volontiers aux mémoires d'outre-tombe, voilà, il a conscience du fait que toute une génération peut se reconnaître dans le récit qu'il fait de sa propre vie. Hein. Donc la dimension de témoignage. Est-ce que c'est pour cette raison, Fabienne Bersegol, que Napoléon est si présent dans les mémoires d'outre-tombe, au point qu'il y a même une sorte de biographie de Napoléon insérée dans ses mémoires? Oui, il y a une volumineuse biographie de Napoléon, une véritable vie de Napoléon dans les mémoires d'outre-tombe. Hein. Certaines, encore une fois, il faut revenir en même temps au genre lui-même, hein, mémoire. Hein, c'est un genre au XIXe siècle bien identifié, hein, et c'est un genre qui est d'une certaine manière plus proche de l'historiographie que de ce que l'on considère maintenant que l'autobiographie. Oui, mais là, on quitte quand même Chateaubriand lui-même pendant un certain nombre de pages, sauf à penser que Chateaubriand est une sorte de reflet de Napoléon. Oui, Chateaubriand est un peu mis entre parenthèses, mais enfin, il n'est jamais très loin, ne serait-ce que parce que justement le genre des mémoires lui permet de donner son opinion, de juger, hein, et puis parce que, bon, cela a été dit et redit, Chateaubriand s'emploie quand même toujours à maintenir un parallèle entre les deux grands hommes en question, c'est-à-dire Napoléon et lui. Retombée de Bonaparte et de l'Empire à ce qui les a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant, du sommet d'une montagne dans un gouffre. Tout n'est-il pas terminé avec Napoléon? Aurais-je dû parler d'autre chose? Quel personnage peut intéresser en dehors de lui? De qui et de quoi peut-il être question après un pareil homme? À cette heure, plus de conquêtes d'Égypte, plus de batailles de Marengo, d'Austerlitz et d'Iéna, plus de retraites en Russie, plus d'invasions de la France, de prises de Paris, de retour de l'île d'Elbe, de batailles de Waterloo, quoi donc? Des portraits à qui le génie de Molière pourrait seul donner la gravité du comique. Une chose cependant me frappe. Le petit monde dans lequel j'entre à présent était supérieur au monde qui lui a succédé en 1830. Nous étions des géants en comparaison de la société de Ciron qui s'est engendrée. La Restauration offre du moins un point où l'on peut retrouver de l'importance. Après la dignité d'un seul homme, cet homme passé, renaquit la dignité des hommes. Si le despotisme a été remplacé par la liberté, si nous entendons quelque chose à l'indépendance, si nous avons perdu l'habitude de ramper, si les droits de la nature humaine ne sont plus méconnus, c'est à la Restauration que nous en sommes redevables. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. De Napoléon, il a donc fait un véritable mythe, Fabienne Bercegol, dans le sens le plus extensif du terme. Mythe héroïque à coup sûr. Hein. Il a sa biographie emprunte beaucoup aux principales caractéristiques du mythe héroïque, mais en même temps, il a l'extrait que vous venez de donner le montre bien. C'est quand même un portrait très nuancé hein, qu'il fait de Napoléon. Bien sûr, il y a le mythe, mais Chateaubriand est aussi justement le témoin qui prend la parole pour dire ce qu'a, qui a été réellement Napoléon. Hein. C'est tout l'intérêt du mémorialiste. Hein. Le mémorialiste, encore une fois, c'est un témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu, et donc c'est celui qui va aussi s'opposer à la légende de Napoléon, hein, telle qu'elle va se construire, notamment, à très idéalisée, bien sûr, après sa mort. Hein. Donc, portrait tout de même très nuancé, Napoléon est un despote. Hein. Et on peut penser qu'il a eu une influence, d'ailleurs, sur la manière dont on a vu Napoléon par la suite, et dont on le considère encore aujourd'hui. Influence, je ne sais pas. Oui, sans doute. En tout cas, il a contribué à ce qu'on ne garde pas seulement de Napoléon une image trop idéalisée. Et ce qui est intéressant aussi là dans l'extrait que vous avez donné, c'est vrai que dans notre histoire, on a parfois un petit peu tendance à oublier la Restauration, hein, ce qu'elle a apporté de bien. Or, là, il insiste hein, sur le réveil de la liberté. Chateaubriand, pendant la Restauration, a beaucoup œuvré pour la liberté de la presse. Hein. Lui-même se considérait comme un journaliste. Enfin, en tout cas, il a dit à certains moments hein, qu'il était d'abord un journaliste. Donc, du coup, c'est important qu'il ait voulu défendre la liberté de la presse. Absolument. Alors après, dans l'extrait qui a été lu, ce qui est très frappant aussi quand même, c'est ce constat, évidemment, du déclin de la société, de la perte de prestige, de grandeur, d'héroïsme après Napoléon. Ouais. Hein, ça, il en a une conscience aiguë. Et il a d'ailleurs, il craint, d'ailleurs, que la conséquence soit que ces mémoires perdent, du coup, eux-mêmes en intérêt, hein, en grandeur. Donc c'est un très grand portrait de Napoléon qu'on trouve dans les mémoires d'Outre-Tombe. Vous-même, vous avez écrit cet autre livre, La poétique de Chateaubriand, le portrait dans les mémoires d'Outre-Tombe. Quelle était votre idée? Parce que finalement, on peut penser que le portrait, c'est un homme qui regarde d'autres personnes. Or, et vous le dites dans votre introduction, Chateaubriand n'était pas quelqu'un qui s'intéressait finalement tellement aux autres. Il s'intéressait, ce que vous sous-entendez en tous les cas, surtout à lui-même. Alors, pourquoi le portrait? Oui. Alors, plus plutôt, disons que je suis venue, j'ai eu la chance peut-être de venir à Chateaubriand, précisément en découvrant en lui autre chose que cet intérêt égoïste, je dirais même nombriliste, qu'on lui prêtait seulement pour sa propre personne. Je me souviens très bien que quand j'ai relu les Mémoires d'Outre-Tombe, j'ai au contraire été frappée par l'abondance des portraits, hein, et donc finalement au contraire par l'intérêt qu'il avait accordé à tous ceux qu'il avait côtoyés. Et évidemment, j'ai été immédiatement séduite par l'extraordinaire virtuosité de ses portraits. Parce qu'il arrive à saisir, à comprendre les personnes qu'il croise sur son chemin et à nous le restituer, à restituer sa compréhension comme ça en quelques traits de plume. Il y arrive parfaitement, il est d'une grande lucidité. Le portrait est aussi pour lui une façon de se camper en moraliste. Hein. Chateaubriand en cela reste un classique, c'est-à-dire qu'il croit qu'il y a en tout homme une part d'universel, hein, si bien que lorsque l'on fait le portrait d'un homme particulier, on peut toujours en tirer des vérités, des leçons, un enseignement qui vaut pour l'humanité en général. C'est toujours la même idée, on prend un exemple pour parler de choses plus générales, et c'est toute l'histoire des Mémoires d'Outre-Tombe, lui-même se prend comme exemple de sa génération, et le portrait a toujours valeur absolument, de plus que ce qu'il décrit. Effectivement, on passe très souvent chez lui du particulier au général, et il y a, alors notamment lorsqu'il fait le portrait de personnages historiques, cette volonté d'aller au-delà du détail, de l'anecdote, etc., pour vraiment saisir le rôle qu'ont joué ces grands personnages dans l'histoire. Donc vraiment être capable de mesurer leur importance symbolique. Alors, quels sont les portraits qui vous sont le plus chers, les plus chers ? Alors, les Mémoires d'Outre-Tombe se terminent par une galerie de portraits. En fait, l'un des derniers livres des Mémoires d'Outre-Tombe est entièrement constitué de très longs portraits, hein, qui sont dans l'ensemble des portraits charges. Chateaubriand est un redoutable polémiste, et donc ces portraits lui permettent des règlements de compte d'une violence inouïe, hein, notamment lorsqu'il s'en prend à celui qu'il appelle avec un infini mépris Philippe, Louis-Philippe. Dans cette galerie de portraits, j'isolerai volontiers le long portrait de George Sand. Très beau portrait, très ambivalent, dans lequel, certes, Chateaubriand reconnaît que George Sand est une femme peu fréquentable. Elle fume le cigare, etc., etc. Il est assez peu séduit par ces marques de l'émancipation féminine. Mais en même temps, il est obligé de reconnaître qu'elle a un immense talent. Et on sent chez lui, chez le vieil homme qu'il est devenu, une certaine envie, un certain désir peut-être pour cette jeune femme pleine de talent. L'ouvrage inspiré par mes cendres et destiné à mes cendres subsistera-t-il après moi? Il est possible que mon travail soit mauvais. Il est possible qu'en voyant le jour, ces mémoires s'effacent. Du moins, les choses que je me serais racontées auront servi à tromper l'ennui de ces dernières heures dont personne ne veut et dont on ne sait que faire. Au bout de la vie est un âge amer. Rien ne plaît, parce qu'on est digne de rien. Bon à personne, fardeau à tous. Près de son dernier gîte, on n'a qu'un pas à faire pour y atteindre. À quoi servirait de rêver sur une plage déserte? Grâce à l'exorbitance de mes années, mon monument est achevé. Ce m'est un grand soulagement. Je sentais quelqu'un qui me poussait. Le patron de la barque sur laquelle ma place est retenue m'avertissait qu'il ne me restait qu'un moment pour monter sur le bord. Si j'avais été le maître de Rome, je dirais comme Sylla que je finis mes mémoires la veille même de ma mort. Et la mort, c'est la perspective avec laquelle finalement Fabienne Bersegol, toutes les mémoires d'outre-tombe sont écrites. D'ailleurs, il suffit de lire le titre pour le comprendre. Et oui, un titre qui n'apparaît précisément que dans les années 1830, mais qui remplace le titre, il faut reconnaître, assez banal, qui était celui de Mémoire de ma vie. On sait pourquoi il prend cette option à un moment donné ? Parce que cela lui permet de cette extraordinaire mise en scène d'un écrivain qui désormais donc tient la plume assis au fond de son cercueil. Donc c'est ce dispositif énonciatif que lui permet la mort, et il explique bien dans l'une de ses préfaces que sa voix du coup prend davantage de solennité. C'est même un peu grandiloquent. Oui, mais c'est tout à fait assumé. Ces voix qui sortent du sépulcre en quelque chose de sacré, dit-il. Et c'est une façon aussi pour lui de se placer désormais au-dessus de la mêlée. Il est sorti, au fond, de la vie, donc cela lui permet de voir les hommes, l'histoire de son pays, désormais de plus haut. Depuis le ciel, tout simplement. Depuis le ciel, voilà. Ces mémoires d'outre-tombe ne devaient être publiées que 50 ans après la mort de leur auteur. Ce qu'il souhaitait. Ça n'a pas été le cas, bien sûr. Ça n'a pas été le cas, ça a été probablement l'un des grands drames de sa vieillesse. L'extrait que vous avez lu, quand même, il faut le dire, donne une image absolument terrible de la vieillesse. La mort, finalement, quel soulagement. Mm-hmm. Si la vieillesse, c'est cette amertume, ce fardeau, etc., etc. Donc oui, ça a été un grand drame pour lui, parce que il avait vendu en fait les droits de publication de ses mémoires, parce qu'il avait toujours besoin d'argent, et la société à laquelle il les avait vendus a décidé, évidemment sans qu'il ait la possibilité de revenir là-dessus, a décidé d'accorder à Émile de Girardin, qui était le patron du journal La Presse, de publier donc ses mémoires sous forme de feuilleton. Donc Chateaubriand a immédiatement compris, encore une fois, que ça allait être une catastrophe, parce que le texte n'était pas conçu pour être saucissonné un épisode. Et puis, il y avait quand même une certaine crainte de sa part à l'idée que certains hommes, donc bien vivants, allaient lire les portraits-charges auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Alors, si les mémoires d'outre-tombe sont, comme vous l'avez dit, Fabienne Bersegol, finalement l'histoire de la France aussi, et l'histoire d'une génération à travers l'histoire, comment est-ce que cette génération va-t-elle mourir en même temps que son auteur ? Autrement dit, quelle est sa vision dans les mémoires d'outre-tombe de l'avenir de la France et des générations qui arrivent ? Est-ce que là aussi, on est dans quelque chose qui est un petit peu ton apocalyptique, l'idée de disparition ? C'est une vision assez sombre. Effectivement, les dernières pages des mémoires d'outre-tombe sont celles de quelqu'un qui essaye de deviner l'avenir. Et alors Chateaubriand est tout à fait convaincu, ça il le dit très clairement, que la monarchie n'a pas d'avenir, qu'on va vers la République, vers la démocratie, et on va dire qu'il reste très perplexe. De manière générale, merci beaucoup Fabienne Bersegol. De vous, on peut donc lire notamment Chateaubriand, une poétique de la tentation aux éditions classiques Garnier, c'était en 2009. Et puis aussi la poétique de Chateaubriand, le portrait dans les mémoires d'outre-tombe, c'est aux éditions Honoré Champion. Tout de suite, la chronique. Une chronique qui nous est proposée aujourd'hui par Georges-Marc Habib de la librairie L'Atelier rue du Jourdain à Paris dans le 20e arrondissement. Bonjour à vous Georges-Marc. Et bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, vous avez envie de nous parler des nouveautés, mais en même temps, vous avez voulu centrer davantage que d'habitude sur une seule nouveauté. C'est un peu parce que je vous l'avais demandé. Bah oui, j'ai eu mes devoirs de vacances, comme on dit, c'est-à-dire que vous m'avez proposé pour cette nouvelle saison de changer un peu ma forme de chronique. Moi qui d'habitude vous proposais toujours trois lectures, trois livres qui m'avaient touché dans cette production éditoriale, on va dire dans le long cours, m'avez demandé d'en choisir une, essayer de thématiser ce texte. Vous avez remarqué, tout change, mais rien ne change. Hein, voilà, cette tout change, rien ne change. La compagnie change, des œuvres. Voilà, ça. J'avais bien remarqué tout ça. Alors donc, fort de ce nouveau message, j'allais dire, j'ai essayé de travailler cette nouvelle chronique en essayant justement peut-être d'y réfléchir à travers le thème du jour, fiction et mémoire, qui est un thème merveilleux, il faut le dire. On sait aussi que la littérature française s'attache beaucoup à ça. Donc, par exemple, j'aurais pu vous parler du dernier livre de Laure Limongi qui sort là, ou qui est sorti, qui s'appelle On ne peut pas tenir la main entre ses mains. Édité chez Grasset. Ou encore le premier roman de Marin Fouquet, édité chez Actes Sud, qui s'appelle 77 ou 77. Mais non, j'ai décidé plutôt de vous parler du dernier livre de Louis-Philippe d'Alembert, édité chez Sabine Vespizer, éditeur, Mur Méditerranée. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord pour moi d'un engagement politique de l'auteur, et je trouve que dans cette rentrée, une rentrée scolaire, rentrée radiophonique, rentrée sociale, il y a aussi la notion de rentrée politique qui est importante. Et Louis-Philippe d'Alembert va nous proposer avec ce Mur Méditerranée de remettre en perspective certains enjeux politiques, et notamment les enjeux de ces migrants qui décident de passer ce mur de la Méditerranée pour essayer d'aborder cette Europe qui semble être plus généreuse et capable de mieux accueillir justement ces gens qui, dans leur pays, eux, souffrent énormément et vivent, on va dire, des choses improbables. Donc, ainsi, on va suivre Shoshana, qui est une jeune Nigérienne, qui décide, elle, de fuir la sécheresse de son pays, elle qui se rêve avocate, elle qui se rêve à un avenir, décide de fuir ce désert, ou Samar, qui est une Érythréenne, qui, elle, ne veut échapper au service militaire obligatoire de longue durée que le dictateur de son pays veut imposer à tous ses jeunes, ou encore Dima, une riche Syrienne, qui elle n'en peut plus de ces bombes qui tombent à longueur de journée au-dessus de sa maison. Voilà, donc c'est trois femmes bien différentes, trois femmes d'origine et de projets bien différents, mais qui vont toutes tenter l'aventure et vont toutes se retrouver embarquées finalement dans la même galère, dans un chalut qui va essayer de traverser la Méditerranée pour les aider à aborder cette Europe généreuse. Et donc c'est en interrogeant au fond les raisons de cette recherche d'un ailleurs meilleur que l'auteur nous démontre combien les risques d'une telle démarche ne sont évidemment pas un coup de tête et sont prises par des raisons valables. Il y a des raisons valables, finalement, nous dit l'auteur, à ce départ. C'est ça, Georges Marc? Oui, parce que, si vous voulez, quand on prend l'exemple de Shoshana, par exemple, qui, elle, va se lancer à l'aventure, elle y pense pendant 2 ans, elle va amener avec elle son petit frère qui a 13 ans, embarquer sa meilleure amie, Rachel, proposer à 2 jeunes de son village de les accompagner, c'est-à-dire qu'elle monte un groupe. Elle va contacter des passeurs, elle va essayer de mettre en place un système pour éviter de se faire dérober l'ensemble de son argent, échapper à la rapacité de ces gens-là, mais malgré toutes les précautions qu'elle a pu prendre, finalement, ils se retrouvent tous embarqués dans un schéma où ils sont victimes, finalement, de cette aventure. Ou bien quand Dima, elle, décide avec son mari de partir, même s'ils ont plus de moyens, même s'ils ont plus installés dans la vie, finalement, ils n'ont d'autre choix que de vivre la clandestinité parce que leur pays leur refuse de sortir de leur pays. Ce que veut expliquer l'auteur là-dedans, c'est que ce parcours douloureux, violent, désespéré, c'est aussi un moyen d'échapper à la violence de leur pays, et que finalement cette Méditerranée, il faut la passer, et voilà. Et que on n'arrivera pas à échapper à ces migrants, et que la Méditerranée ne pourra jamais être un mur entre eux et nous. Mur Méditerranée, c'est donc chez Sabine Vespizer, éditeur. Merci Georges Marc Habib, rendez-vous à la librairie L'Atelier et aussi sur librest.com. C'était La Compagnie des Œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, réalisation Anne Fleury, avec également Hélène Rivière et Pierrick Monsigny à la technique. Demain, suite de notre série Chateaubriand, avec une émission consacrée à sa carrière politique et à sa manière d'écrire et de raconter l'histoire, nous serons en compagnie de Jean-Marie Roulin.